Chapitre 28e, Tokaristan, opération Maskirovka, 25 septembre. Avec l'élimination du président Imadedinov, la phase 2 du plan de guerre imaginé par le commandant Verkhoturov pour éradiquer les islamistes était terminée. Le jovial et rondouillard chambellan de 50 ans avait rasé la barbe qu'il s'était laissé pousser pour effectuer la mission montée par la ravissante et ténébreuse brune quadragénaire Marina Pavlova. Cette opération consolida les relations entre les deux agents qui déjà avaient lié connaissance lors des diverses réunions des Volkodlak. Autour de la table ovoïde, ils étaient voisins. À cette heure, ils buvaient une bière et se remettaient en mémoire l'objectif de la troisième phase. Youssouf Imadedinov étant mort, après la tête, il fallait briser la colonne vertébrale de la République islamique. Ce fut le quinquagénaire gringalet et frêle Pierre Sernine, éminence grise du vice-premier ministre Koslov, qui trouva le nom de code de la phase 3, opération Maskirovka. La Maskirovska, que l'on pourrait traduire littéralement par camouflage, était la ruse de la désinformation militaire. Elle n'était pas enseignée comme telle dans les écoles du KGB, car elle ne recouvrait aucune pratique spécifique, mais elle trouvait sa cohérence et son originalité dans l'appréhension des techniques de désinformation comme un tout. Elle allait de la simple tenue de camouflage du soldat en manœuvre au plus haut niveau stratégique, dans les discussions entre les autorités russes et leurs partenaires internationaux. La clé du succès de l'opération « Assaut du Tokaristan » et prise de sa capitale Arsikouchi était de réussir à atteindre toutes les cibles au même moment ou à défaut dans un bref laps de temps. Ce qui semblait compliqué, c'était d'aller les débusquer là où elles se trouvaient. Ce fut l'ethnologue, la jolie blonde d'à peine 35 ans Olga Gourina, qui, forte de sa connaissance de l'islam, avait proposé le jour, le lieu et l'heure. Ce que, dans le jargon des guébistes, on appelait une fenêtre d'opportunité. Elle avait choisi l'aube du 25 septembre. Ce jour de l'Aïd el-Kébir était sacré pour tout musulman, a fortiori pour tout salafiste. La salat, la prière islamique, s'avérait être le deuxième des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman était en effet tenu d'effectuer rituellement cinq prières quotidiennes tournées vers la Qibla, qui indiquait la direction de la Kaaba, la pierre noire sacrée de la Mecque. La pierre noire, Al-Hajar al-Aswad, était placée dans l'angle sud-est de la Kaaba, qui se trouve au centre de la mosquée Al-Haram de la Mecque en Arabie Saoudite. C'était une relique islamique qui, selon la tradition musulmane, remonte à l'époque d'Adam et Ève. En se tournant vers elle, au même moment et où qu'ils se trouvent, les musulmans réalisaient l'Oumma, la communauté des croyants. La pierre noire avait été vénérée dans l'Arabie pré-islamique. Mais ce fut le prophète Mahomet qui la plaça dans le mur de la Kaaba en 605. La prière, proprement dite, se composait de la sourate Al-Fatiha, les sept premiers versets du Coran, glorifiant la toute-puissance d'Allah et son infinie miséricorde, à laquelle on devait rajouter une autre sourate, choisie par le croyant pour l'occasion et qui s'accompagnait d'une inclinaison et de deux prosternations. Habituellement, elle pouvait être effectuée à n'importe quel endroit pourvu qu'il soit propre et digne. Traditionnellement, les hommes allaient accomplir en groupe, à la mosquée, les cinq prières canoniques, toutes du vendredi, car elles étaient les plus importantes de la semaine. Il y avait deux fêtes, l'Aïd el-Kébir et l'Aïd el-Fitr, où le rassemblement à la mosquée était obligatoire. La prière de l'aube, As-Soub, débutait ses journées sacrées. Elle devait s'accomplir en état de pureté, après avoir fait au préalable ses ablutions. Cette prière matutinale commençait peu après l'apparition de l'aube véritable, Al-Fajrou Sadik, lorsque pointait une petite lueur blanche transversale à l'horizon de l'Est. Son temps d'accomplissement durait jusqu'au début du lever du soleil. C'était à ce moment-là que les oboros agiraient. Ces militaires formaient le bras armé des Volkodlak. Le très grand et athlétique quinquagénaire commandant Verkhoturov avait défini trois cibles principales et désigner une quarantaine de hauts dignitaires ou d'officiers dont l'élimination neutraliserait les points vitaux des structures wahhabites et de leur armée de djihadistes. Léonid Kikov, le quinquagénaire au visage poupin et à la démarche boitillante, s'était interrogé en tant qu'expert de la communication sur la meilleure manière de frapper les esprits. Il voulait de l'audace et du décorum. Les tenues des oboros avaient été revues et retouchées par le grand couturier Valentin Labazaïtsev. Au lieu de l'habituel trait hiver, marron et noir, une tenue de camouflage, avec un fond gris constellé de taches bleu nuit et noir, avait été élaborée. Le fameux bandana noir des forces spéciales, noué en fichu autour du crâne, avait laissé place à une capuche qui se nouait derrière la tête, mais dont l'aspect vu de face ressemblait à s'y méprendre, au haut de la gueule d'un loup, oreille dressée et croc sorti. Une cape complétait la panoplie. Elle était en imitation peau de loup gris et pouvait s'assembler à la capuche au besoin pour que lors d'un défilé, on ait l'impression de voir des loups investir les lieux au pas cadencé. Le visage de chaque membre du commando était recouvert d'un long gant blanchâtre, lacéré par trois stries noires ressemblant à une griffe faite par une patte de loup. Le sexagénaire et grisonnant vice-premier ministre Koslov, aux épaules tombantes, qui savait que la légende d'une unité se forgeait aussi par la musique et les chants martiaux, eut l'idée de demander à un parolier russe d'adapter une chanson française où il était question de loups entrant dans Paris pour dénoncer le fascisme. Rien n'avait été négligé par les Volkodlaks lorsque l'ordre d'attaquer le Tokaristan parvint du plus haut sommet de l'État. La principale erreur d'Imadedinov était d'avoir confondu la crainte que son régime inspirait et l'adhésion qu'il suscitait au sein de la population tokaristanaise. Sa personnalité hors du commun, son passé prestigieux de grand général et sa piété faisaient de lui un homme respecté mais pas adulé. Les trois quarts des habitants du pays ne voyaient pas de chef plus compétent que lui pour les guider. Cependant, ce peuple de montagnards, habitué aux grands espaces et à la liberté de la vie au grand air, était de plus en plus inquiet du projet politique visé par le sexagénaire, l'établissement d'une république islamique. L'arrivée massive de musulmans qui se comportaient en pays conquis, qui parfois se permettaient en pleine rue de frapper et molester un vieil homme ivre, de bousculer une jeune femme dont une mèche de cheveux dépassait sous son voile ou qui avait juste mis un peu de fard à paupières, provoquait un fort sentiment de rejet et une sourde réprobation. L'État a eu tort d'abandonner aux congrégations, aux organisations non gouvernementales, islamistes, l'ensemble du champ social et de la solidarité. Par ce truchement, on pouvait estimer entre 15 et 20% le nombre de Tokaristanais acquis aux idées radicales. La pénétration était plus forte dans les campagnes et les villages qui voyaient dans ce retour à l'islam, le plus pur et le plus dur, une régénérescence utile pour les villes perçues comme des lieux de danger et de perdition. À l'aube de ce 25 septembre, dans tout le pays, les oborois avaient déjà liquidé 99 opposants, dont 22 dignitaires entrés à la capitale pour l'Aïd, 10 émirs djihadistes qui présentaient un danger par leur efficacité au combat, 3 personnalités influentes vivant dans des localités à l'extérieur d'Arsikouchi. À chaque fois, avec l'appui des Amourski Partisans, la division des fusiliers de Sibérie, intégrée à l'armée rouge aux ordres du général Negoborov, les oboros atteignirent leur objectif durant les derniers jours précédant l'assaut. De leur côté, le KGB et le Mossad avaient infiltré ou exfiltré leurs cibles respectives dans la forteresse Al-Kazir. Alexandre Koslov, sur les conseils du tacticien Pierre Sernine, fit appel à l'architecte Arkady Makovozov pour lui demander de cartographier les sites à protéger des bombardements. Il n'était pas question de détruire des vestiges de l'histoire. Le quadragénaire trapu, blond aux yeux bleus, étudia le théâtre des opérations. Il mentionna les bâtiments à investir en progressant rue après rue. Pour certains édifices, il remit un plan indiquant les forces et les faiblesses de la construction. Il se proposa même d'accompagner les chefs de troupes qui le solliciteraient. Tout était prêt. L'offensive se déclencha simultanément sur 3 fronts. Front Nord, la citadelle d'Al-Kazir. Le grand et musculeux quadragénaire lieutenant-colonel Kuznetsov, gendre de Koslov, avait été désigné par le commandant Verkhoturov pour planifier l'opération visant à liquider les cadres du régime salafiste abrités dans la citadelle Al-Kazir. Placés sous son autorité, les oboros, majoritairement constitués de Wimpel, le fameux groupe étendard, étaient chargés de l'intervention. Construite sur une hauteur, la forteresse dominait Arsikouchi et la vallée. Elle était le point zéro de toutes les routes du pays. À l'intérieur de la forteresse se trouvait l'enclos du palais présidentiel, cœur et âme de la ville. Al-Kazir était défendu par des murs très hauts, épais et cernés de douves. Placée sous le contrôle de la garde présidentielle, la citadelle se dressait menaçante. Les passants qui circulaient aux alentours y jetaient quelques regards furtifs. Les enfants évitaient de venir disputer, comme naguère à l'époque soviétique, d'interminables parties de football après avoir dessiné des buts à la craie sur le mur d'enceinte extérieur. Une bande de petits plaisantins d'une douzaine d'années avait cru bon, l'année précédente, de faire exploser des pétards à l'arrière du sinistre bâtiment. Rattrapé par les gardes, l'un d'entre eux avait été roué de coups. sa famille écopa d'une lourde amende pour manquement au principe d'éducation coranique. Plus aucun enfant, même pas les orphelins qui vivaient en banc dans le bidonville de Bougrovo, n'osèrent s'approcher du périmètre sécurisé de la citadelle. Pourtant, les oboros parvinrent à prendre la forteresse avec une rapidité remarquable. La stratégie développée pour faire tomber le bastion central était assez simple. Lors d'un siège, les occupants sont autant piégés à l'intérieur que protégés de l'extérieur. Se retrancher à l'abri de ces murs, c'est confondre l'apparence de la sécurité avec la sécurité elle-même. Dans le cadre d'une guerre éclair, la logique veut que l'on creuse des tunnels ou que l'on fasse tomber les murailles à coups de canon. S'agissant d'une opération commando, l'objectif tactique reste le même avec des moyens différents. Disposer d'alliés à l'intérieur pour se faire ouvrir les portes. Depuis la plus haute antiquité, les stratèges placent dans de tels lieux fortifiés des agents doubles ou sous-doigts des opposants. Dans le cas de figure d'Al-Qazir, l'ouverture du front intérieur passait, comme l'expliqua le lieutenant-colonel Kuznetsov au Volkodlak, par l'aide de fonctionnaires. Ceux-là même qui, chassés de leurs bureaux par les Wahhabites, étaient affectés aux ménages et aux poubelles. Ils proposaient de faire entrer les oboros dans la citadelle en les cachant dans des conteneurs gris et mobiles. Depuis plusieurs semaines, le KGB avait réussi à placer des hommes dans la ville et à regrouper les sympathisants restés à Arsikouchi qui travaillaient dans la forteresse. Ils parvinrent à obtenir les plans détaillés du bâtiment, la liste des bureaux, l'identité des occupants, les horaires de service des hauts fonctionnaires et des officiers supérieurs. Ils firent aussi aménager des caches d'armes, remplies la veille de l'opération. Avant de déclencher l'attaque, chacun n'ignorait rien des espaces et des gens qu'il aurait à neutraliser ce matin du 25 septembre. Pendant la fête de l'Aïd el-Kébir, l'activité de la forteresse était réduite. Avec l'aide précieuse des sympathisants, qui s'étaient tous portés volontaires pour travailler ce jour férié, les oboros, sans le commandant Verkhotourov, parti en mission sur le front sud, franchirent les postes de garde et ouvrirent les portes sans difficulté. Ayant localisé le centre de décision, les oboros purent s'en emparer en évitant que ne soit donnée l'alerte. La prise du corps de garde s'effectua au pistolet à silencieux et à l'arme blanche. L'homme en faction fut touché d'une balle en plein front et rattrapé par deux soldats du commando avant qu'il ne s'affale sur le sol. La porte qu'il gardait fut entrebâillée, le temps d'y expédier quelques grenades paralysantes. Revêtus de masques à gaz, les oboros investirent la pièce embuée. La fumée redescendait du plafond en lentes volutes courbes. Des corps gisaient à terre, inanimés mais vivants. Dans un coin, un dégradé hurla d'une voix sans timbre « Alarme ! Alarme !» Son ordre ne parvint pas à déchirer l'écran de gaz blanchâtre qui le séparait de ses officiers. Ses yeux s'exorbitèrent quand il vit un gigantesque oboro ressemblant de par sa tenue militaire à un loup jaillir du brouillard de la pièce. La main du soldat qu'il prit pour la patte de l'animal s'abattit sur lui. En encaissant le coup de couteau, il lui sembla recevoir un coup de griffe, d'une redoutable efficacité. Il ne ressentit même pas une dernière douleur et mourut en plein cauchemar. La prise en main du centre névralgique créa une terrible confusion lorsque la nouvelle fut divulguée dans toute la forteresse. Ce fut le moment qui avait été choisi pour que l'aviation russe passe à l'offensive. La citadelle était totalement sous contrôle. La liquidation de 5 des 40 opposants, décidée dans le cadre de la phase 3, opération Maskirovka, fut tenue. Le lieutenant-colonel Kuznetsov, chargé de conduire la mission Al-Qazir, pouvait être satisfait. Front Sud, la poche de Medjourachensk. Alors qu'une partie des oboros intervenait à la citadelle d'Al-Qazir, sous les ordres du chef d'état-major adjoint Kuznetsov et l'autre à la pension des Veuves Noires, sous les directives de la lieutenant-colonel Pavlova, le commandant Verkhotourov à la tête des Wimpel, le prestigieux groupe étendard et des Spetsnaz, la redoutable section d'intervention, s'en prenait à la poche de Medjourachensk, quartier général où se tenait Charizov. Le bunker était aménagé dans une ancienne mine désaffectée, défendue par la garde présidentielle et la division bosniaque Hantchar. Dans ce combat, les pertes furent lourdes, de part et d'autre, car les guerriers salafistes fanatisés combattirent avec bravoure jusqu'au dernier. Parmi les prisonniers figurait le colonel bosniaque Smail Suljevitch, nommé la veille second du général Charizov, le nouvel homme fort du Tokaristan depuis la disparition prématurée du président Imadedinov. Pour le grand et athlétique quinquagénaire Verkhotourov, la capture de Charizov mettait un point final à sa mission. Il regarda attentivement le général, cet homme de l'ombre, éternel bras droit d'Imadedinov, qui accédait à la lumière. Il avait un visage de couleur brunâtre, un nez long et courbe rappelant un bec d'aigle. Cette protubérance tranchait avec ses joues creuses et cadavériques chez cet homme pourtant un peu gros, qui derrière un pince-nez d'or remplaçant de classiques lunettes, arborait sous une barrière de sourcils drus de petits yeux légèrement bridés et cruels. Une sale gueule qui ferait fortune à Hollywood, se dit Verkhotourov. Il pensa que même les Américains, toujours prompts à cajoler ceux qui mettaient des bâtons dans les roues de la Russie, considéreraient cette fois ce type-là comme un Ben Laden de l'Altaï, voire comme le salaud de service dans un James Bond. L'aviation, pour préparer l'intervention terrestre des Oboros sur les flancs nord, sud et ouest, avait causé de grosses pertes aux troupes de l'est de l'oblast, dont la mission était d'épauler les fronts en difficulté. Face à la lenteur de leur progression, les chefs islamistes qui se trouvaient en première ligne contactèrent le QG de Medjouretchensk, le front sud. Au lieu d'entendre la voix du Void, le président Imadedinov, ce fut le général Charizov qui répondit. Il leur annonça sa reddition. Deux d'entre eux utilisèrent la ligne qui les reliait à la forteresse Al-Kazir, front nord, pour avoir du Tashkir Imadedinov lui-même confirmation des informations qu'ils venaient de recevoir de Charizov. Quelle ne fut pas leur surprise d'entendre à l'autre bout du fil un lieutenant-colonel de l'armée de la Fédération de Russie, Kuznetsov, leur annoncer que la guerre était finie, que l'armée rouge occupait la citadelle. Déboussolés, certains commandants lancèrent des baroudes d'honneur au cri d'Allahu Akbar, d'autres cessèrent le combat et certains donnèrent l'ordre à leurs hommes de se sauver tant qu'il était encore temps. Front ouest, la pension des veuves noires. La brune et très séduisante ténébreuse quadragénaire lieutenant-colonel Pavlova avait été désignée par le commandant Andrei Verkhotourov pour planifier, avec le rondouillard et jovial quinquagénaire Jafar Akhamov, l'opération visant à liquider Fatia et Azoruba. Âgée de 37 ans, la terroriste tenait une pension dans laquelle elle s'était retranchée avec une centaine de personnes, femmes, enfants et un détachement de gardes afghans. Placés sous son autorité, les oboros, majoritairement constitués de Spetsnaz, étaient chargés de l'intervention. Le chambellan, qui avait à son actif la liquidation de plusieurs leaders islamistes, proposa de commencer par une guerre psychologique. De son côté, Arkady Makovozov, quadragénaire trapu, blond aux yeux bleus, auquel Marina Pavlova avait demandé assistance pour ne pas détruire un vestige architectural, lui indiqua les accès secrets figurant dans les archives de l'ex-KGB. Koslov ne fut nullement surpris de cette triplette de gens qui s'appréciaient. C'était Arkady qui l'avait présenté la criminologue à Elfo. C'était avec Jafar que Marina avait monté la phase 2, opération Canne des Muets, ayant conduit à l'exécution du Void, le grand guide. Sur les conseils de Jafar Akhamov, il y eut diffusion de bruits assourdissants et maintien de projecteurs allumés sur la propriété plongée dans l'obscurité. Les chars T-99 Armata faisaient semblant de charger, s'arrêtaient à quelques mètres de la résidence puis reculaient avant de recommencer. Les lieux étaient survolés en permanence par des hélicoptères munis de spots directionnels et de mitrailleuses. Face au refus de capituler, l'ordre fut donné par les services de couper l'électricité de la demeure. Les locataires durent se servir de chandelles pour leurs menues tâches. Les blindés entrèrent en action. Ce fut le carnage. Les chars d'assaut percèrent des trous dans les murs et injectèrent du gaz type Tambov, très inflammable, voire mortel, pour des enfants sans masque de protection. Les tanks T-99 Armata démolirent certaines parties du bâtiment pour créer des courants d'air afin que le produit volatile se propage dans les locaux. Des parties vétustes, sans grand intérêt historique, s'écroulèrent sous les coups de butoir des T-99, écrasant les gardes afghans de la pension. Ce 25 septembre, personne ne sortit de cet enfer lorsque l'incendie se déclencha. La flamme des bougies, associée au gaz dispersé dans l'atmosphère, créa une explosion. Le feu se propagea à grande vitesse dans les lieux à cause des courants d'air. Dans la nuit qui mourait, à une immense gerbe multicolore qui embrasait le ciel, se mêlait une malodorante fumée noire dont les retombées étaient celles des corps calcinés de 77 adultes et de 12 enfants de moins de 5 ans. Les pompiers sur place ne tentèrent à aucun moment de maîtriser l'incendie. L'enfer qu'avaient connu les victimes russes des attentats suicides, piégées dans le métro ou vaporisées dans les gares, avait amené les oboros à laisser s'appliquer la loi du talion. Avant d'abandonner leur terrain de mission, les forces armées dressèrent leur drapeau d'unité sur les décombres encore fumants de la pension des veuves noires. Cette oriflamme, qui flottait à l'aube d'une nouvelle journée, était une forme de pied de nez à l'histoire. Le conflit s'achevait là où il avait commencé. Le soir de ce 25 septembre, Koslov contacta Pierre Cernin en mission au Tokaristan pour l'informer que la phase 3, opération Maskirovka, avait réussi au-delà des prévisions les plus optimistes. Aussitôt, Koslov informa le président Popov qui lui demanda d'organiser une table ronde avec les 12 Volkodlaks à la tour Saint-Constantin et Sainte-Hélène.